Chapitre 3e. L'homme à l'oreille coupée. Mon premier soin fut d'aller frapper à la porte de M. Bernard. Un brave homme, tout rond, tout jovial, qui se tordit irrévérencieusement de rire à mon nez lorsque je lui contai la mésaventure de son ami. « Ce pauvre Gobin, pouffa-t-il, elle est bien bonne, vous trouvez ? Parions qu'à sa place vous changeriez d'avis. Mais voyons, trêve de plaisanterie. Vous ne seriez pas en mesure de me fournir quelque observation utile sur ces aigres fins ? Ma foi non, je ne les ai pas remarquées. » Je lui traçai le portrait des deux compères du terminus. « Non, réitéra-t-il après réflexion, je ne me rappelle rien de rien. » Inutile d'insister, je n'avais plus qu'à me rabattre sur le domestique de l'architecte, ce que je résolus de faire, non sans me livrer à une enquête sur le parcours suivi par M. Gobin et son ravisseur, c'est-à-dire le long de la ligne de Versailles, rive droite, car il n'avait pu débarquer qu'à Versailles, ou à une station intermédiaire entre cette gare et Clichy. Dernière, l'employé de service le mardi soir, pour la réception des billets à la sortie, me déclara garder le souvenir fort net de deux voyageurs dont le signalement répondait exactement à ceux de l'architecte et du gros monsieur monté à la dernière heure dans le compartiment de la victime. Le gros monsieur tenait par le bras, étroitement serré contre lui, son compagnon, lequel, suivant l'expression de l'employé, avait l'air tout chose d'un homme qui aurait été malade ou qui aurait bu, en tout cas incapable de se conduire seul. Le gros remit, au passage, deux billets de première classe par Yannière et disparut, entraînant l'autre, qui se laissait faire comme un aveugle. Danière, d'où je ne rapportais pas d'autres renseignements que celui-là, malgré d'actives démarches dans le quartier de la gare, je filai à Suresnes, et là, j'obtins, en questionnant le domestique de M. Gobin et le forçant à préciser, un portrait assez complet du baron de Vaufleury, savoir, un monsieur de taille moyenne, de tournure svelte et élégante, vêtu d'un pardessus à col d'astrakhan, teint clair, contrastant avec la nuance brun foncé des cheveux qu'il portait très longs et de la moustache, lèvres minces, menton en galoche, nez accentué, mince, relevé et pointu du bout, yeux d'un bleu tirant sur le vert très vif. Ce n'était déjà pas mal, mais le brave Jean put me communiquer par surcroît un détail caractéristique, absolument nouveau, qui avait échappé à tous les témoins déjà entendus par moi depuis que j'enquêtais sur la trop fameuse association. Dans leurs dépositions, plus ou moins concordantes sur d'autres points, j'avais été frappé de la quasi-unanimité de cette observation que l'homme, gros ou élancé, blond ou brun, jeune ou vieux, auquel chacune des victimes avait eu affaire, portait les cheveux longs. Eh bien, le domestique de l'architecte me fournissait une explication topique à la prédilection de l'un ou moins de mes voleurs pour ce mode de coiffure. Il y avait en effet, pour le baron de M. Vaufleury, nécessité à dissimuler soigneusement, dans son beau physique, une de ces particularités signalétiques qu'en argot de métier nous appelons « tare » et qui dénonce leur homme plus sûrement qu'une photographie. Un malfaiteur peut se maquiller et se grimer assez habilement pour dérouter les physionomistes les plus exercés, mais une tare apparente, une tare ineffaçable, une fois connue de nous autres, policiers, le met, en dépit de toutes ses feintes et de toutes ses ruses, à notre merci. En ce qui concerne celle dont était affligé M. le baron de Vaufleury, la découverte en était due, comme il arrive la plupart du temps, à un simple hasard. Ce hasard voulut que le mercredi matin, dans l'instant où le baron se présenta chez M. Gobin, Jean Cavalier fut occupé au nettoyage du vestibule, ouvert du côté du jardin. Lorsque le domestique introduisit le visiteur, sous l'influence du courant d'air qui s'établit, le coin d'une portière en tapisserie alla caresser un peu brutalement le crâne de celui-ci, et le peu de temps que dura le contact fut suffisant pour permettre à Jean de remarquer, sous les boucles écartées de la chevelure, la tare en question qui complétait pour moi si heureusement l'affiche d'identité de M. le baron. Voici en quoi consistait ce précieux détail. Une cicatrice, très apparente à l'oreille gauche, celle-ci mutilée, le lobe inférieur manquant presque totalement. Je remerciai ce brave Jean et je me rendis à Marc-en-Mareuil. Je n'y récoltai qu'un témoignage, mais intéressant. Dans la soirée de mardi, sur les 10 ou 11 heures, un cultivateur rentrait chez lui avec sa femme qui était allée voir sa mère malade, lorsque tous deux furent croisés par une puissante automobile venant de la direction de Paris. Ces braves gens habitent à 1 kilomètre du bourg. Or, ils n'avaient pas encore atteint leur domicile, qu'à leur grand étonnement, ils virent passer en sens inverse cette même automobile. Ils supposèrent simplement que les chauffeurs, ayant dû s'apercevoir qu'ils faisaient fausse route, avaient rebroussé chemin. Quant à me renseigner sur la couleur de la voiture, ainsi que sur le nombre des voyageurs à l'aller et au retour, cela leur fut impossible, en raison de l'obscurité et de la vitesse de l'engin qui, me dirent-ils, filait comme un tourbillon. Mais cela n'avait pour moi aucune importance, car, ayant visité l'emplacement où M. Gobin s'était réveillé, de plus, mesuré et comparé les empreintes de pas qui, encore nettement imprimées dans la vase marneuse, jalonnaient l'espace intermédiaire entre la route et le pommier, ma religion se trouvait maintenant nettement éclairée, et il m'était facile de reconstituer les diverses phases de l'enlèvement. Mardi soir, peu après la fructueuse expédition dirigée par un dealer contre la caisse du notaire de M. X, expédition à laquelle rien ne prouve qu'ils n'aient point coopéré eux-mêmes, deux individus de la bande, que faute d'autre désignation j'appellerai le grand monsieur et le chauffeur, se reposent des fatigues de la journée à la terrasse du terminus, l'œil et l'oreille aux aguets, attendant le hasard propice qui leur amènera quelque nouvelle proie. Deux consommateurs surviennent, dont la conversation dès les premiers mots éveille leur attention toujours sur le qui-vive. L'un détient momentanément dans son secrétaire, à son domicile de Suresnes, la coquette somme de 80 000 francs. Dans la maison, pas d'autre gardien qu'un domestique, la femme absente, le mari invité à passer la nuit chez un ami. Pourquoi diable n'accepte-t-il pas l'invitation ? Bon, rien de plus aisé que d'écarter ce gêneur, le temps nécessaire pour opérer le déménagement du secrétaire. En quelques minutes, un plan hardi s'échafaude dans la cervelle de nos malandrins, qui n'en sont pas à leur première intrigue de roman feuilleton. Ils en ont appris assez pour mettre leur plan à exécution. Tandis que le chauffeur file à Asnières, le vieux se munit de 2 billets pour Asnières, avise M. Gobin tout seul dans son compartiment, s'y installe avec lui. Passé Clichy, le stupéfie par un des procédés dont sa bande a le secret, l'aide avec une sollicitude touchante à descendre de wagon à Asnières et à sortir de la gare où le rejoint son complice. Là, une dépêche est rapidement rédigée, de telle sorte que le libellé ne puisse éveiller aucun soupçon dans l'esprit du domestique, dont les poches de la victime ont fourni l'adresse, portée à Paris par l'automobile, qui revient prendre son chargement et en route pour Marc-en-Mareuil avec étape, qui sait, peut-être au siège de l'association. Le temps de dîner ou d'attendre que la nuit soit assez avancée, cela peut faire, je présume, 1 heure ou 2. Après quoi, dépôt de l'infortuné architecte sous son pommier, et enfin, le lendemain, dans son cabinet, dernier acte de cette tragique comédie où il avait joué un rôle bien malgré lui. Je pouvais être en droit de me féliciter de l'habileté avec laquelle j'en avais reconstitué l'intrigue. Seulement, et ce n'était pas la partie la moins difficile de ma besogne, restait à mettre la main au collet de ces subtils acteurs. Et d'abord, combien étaient-ils ? L'étude approfondie de mon dossier me permettait d'affirmer que leur nombre ne dépassait pas 5 au maximum, 4 presque certainement. Les divers signalements fournis, depuis 6 mois, par leurs victimes, pouvaient tous en effet se ramener au type suivant. Premièrement, la jeune fille ou jeune femme qui s'était présentée comme demoiselle de compagnie à la rentière de N. Deuxièmement, le chauffeur, un tout jeune homme, ses empreintes, relevées par moi à Marc-en-Mareuil, étaient celles d'un pied d'enfant. Troisièmement, un homme âgé et corpulent que je retrouve dans 7 ou 8 affaires, notamment celles du laitier, de la rentière et de l'architecte. Quatrièmement et cinquièmement, 2 individus qui, tantôt l'un, tantôt l'autre, figurait dans toutes les affaires où ne paraissait pas le précédent. Ceux-là, j'avais beaucoup de raisons pour les confondre en une seule et même personnalité, tant il existait entre eux de points de ressemblance. Même âge, 30 à 35 ans, même taille moyenne, même sveltesse, même tournure élégante, même teint clair, même coupe de cheveux longs, même façon de procéder, ou, dans notre argot spécial, même signature. De plus, ils avaient commis l'imprudence de se montrer, à moins de 24 heures d'intervalle, l'un le comte de la Rochalure, à M, l'autre le baron de Beaufleury, à Suresnes, revêtu du même par-dessus, aisément reconnaissable à son col d'astrakhan. Enfin, j'avais remarqué qu'ils ne travaillaient jamais ensemble. Que le baron de Beaufleury fût très brun et le comte de la Rochalure très blond, que le premier portât simplement la moustache et le second toute sa barbe, c'était là des différences insignifiantes. d'autant que les teintures et les postiches n'ont point été inventées pour les chiens. Donc, à peu près sûrement, en tout cas, quatre individus composaient la fameuse bande mystérieuse, et c'était justement dans sa faiblesse numérique qu'il fallait chercher le secret de son invulnérabilité. Plus nombreuse, depuis longtemps, quelqu'un de ses adhérents se fut laissé prendre dans nos filets. Si maintenant, cela établi, je dressais mon bilan, je pouvais porter à mon actif les faits suivants. Premièrement, je connaissais l'existence, sous le maquillage capillaire de M. le baron de Beaufleury, alias comte de la Rochalure, de la fameuse cicatrice à l'oreille remarquée par Jean Cavalier. À ce sujet, je n'avais pas, comme on pense, négligé de recourir aux bons offices du service anthropométrique qui centralise toutes les fiches signalétiques des criminels. Mais, de ce côté, résultat négatif. Sans doute, M. le baron et comte n'avaient pas encore eu maille à partir avec la justice. Deuxièmement, je savais que les escrocs réalisaient leurs déplacements fantastiques au moyen d'une puissante automobile de couleur vert foncé. Troisièmement, enfin il ressortait, de l'ensemble de leurs opérations, que celles-ci ne dépassaient guère les limites d'un secteur ayant pour sommet Paris et pour rayon deux lignes tirées de cette ville à eux d'une part, de l'autre à N. C'était dans cette espèce d'éventail qu'il me fallait battre l'estrade, et plus précisément en Eure-et-Loire, du côté de D, dont les parages me semblaient détenir le record des préférences de l'association. Ainsi documenté, je partis pour D plein de confiance.